les petits cons. Hein, la fabrique, frère. Ouais, ouais. Tout ça s'adresse à la nouvelle génération, aux jeunes en détresse qui fument, tissent sans modération. Un but, une seule ambition, devenir un mauvais garçon. Je te la raconte, tout ce qui compte c'est de faire une réputation. C'est dur de résister car trop forte est la tentation, surtout quand tu subis l'influence de mauvaises fréquentations. Tu commets trop de mauvaises actions, de l'agression, vol avec effraction. Plus tard ça devient braco, dis les transactions. Tise une veste, tire une table, le démon entre en action. T'as plus de respect, tu contrôles même plus tes réactions. Car à présent, ça fout du shit des 12 ou 13 ans. Puis dans 10 ans, la prison se profile à l'horizon méprisant. Les conseils de leurs aînés au lieu de marcher droit, tu fais pleurer ta mère et ramène les stars chez toi. C'est quoi? Je vais pas te faire la morale, ça c'est pas mon rôle. Je crois que je shooterais si t'étais mon môme. Tu coûterais les coups de pression, les bonnes corrections. Je t'apprendrais le respect, t'avancerais dans la bonne direction. Tu foncerais plus la tête baissée sans faire attention. Tu renoncerais à tous tes excès, à ta consommation. Mais plus le temps passe, plus tu te rapproches de l'incarcération. T'es dans l'impasse pour tes proches, plus d'espoir ni solution. T'as pas retenu la leçon, t'es déprévenu mais t'as rien compris. Tu repenseras à tout ça quand tu seras détenu en sombrie. Au-dessus de ta tête le ciel s'assombrit. Et maintenant tu regrettes tes actes, comprenant que chaque erreur à son prix. Mais l'exemple c'est sur nous qui l'ont pris. Depuis qu'ils sont petits, ils ont trop la rage et ils s'en battent la race. Et nos puissances disent, plus ils grandissent, montent en grade et s'épuisent dans le vice. Putain, tu comprends pas que tu glisses lentement dans le vide. Pour la maille, les mômes sont devenus trop vifs. Maintenant, veulent imiter les grands pour mûrir trop vite. Toujours fourré dans les plans qui rapportent, jusqu'au jour où les condés viennent te péter devant ta porte. Pour la maille, les mômes sont devenus trop vifs. Maintenant, veulent imiter les grands pour mûrir trop vite. Toujours fourré dans les plans qui rapportent, jusqu'au jour où les condés viennent te péter devant ta porte. Je m'adresse à toi petit con, pas à tes potes ni à tes parents. À toi petit con, le jeune briscard de 12-16 ans. Qui fume, qui nique l'école, qui ne respecte plus ses parents. Qui fume ses chances d'envol, de réussite tout bêtement et après la chute. Préparé méthodiquement dans une certaine rue. La pute mais t'as pas fait pudiquement tes conneries. Et là le problème ne se résout plus uniquement dans les erreurs faites mais aussi dans ton comportement. Regarde on fait la fête mais pas n'importe comment. Comme ta casquette fausse là tu mets bien la visière devant. Arrête de prendre la tête pour faire respect des grands. T'es ni méchant ni bête, tu le fais paraître devant les gens. Pour entrer dans la légende des gens les plus méchants. Les cours c'est chiant, c'est vrai qu'à force les cours c'est chiant. Discours défiant, l'autorité mais pour fumer des stupéfiants. T'es un pro, un as dans cette activité, tu fais tiep. Mais toi petit con tu ne le vois pas car t'es trop jeune. Et nous ça les grands cons faut pas qu'on le voit. Tu fais d'art, toute ta gueule et maintenant tu vois. Y'a deux mois t'as mué, tu kiffes, là t'as une grosse voix. Mais ce n'est pas la bonne voix. Si t'es chaud bouillant à 13 alors à 16 tu seras incandescent. Comme ta crise d'adolescent, ne fonce pas dans tous les sens. Profite tout en approfondissant tes connaissances. Et donc prends sur toi-même, ouais et pour toi-même. Fous-toi d'une réputation qui ne reflète qu'elle-même. Sa recherche n'entraîne que mauvaises actions et trop. Problème, haute concentration, d'engrais pour une mauvaise graine, j'ai l'impression. Je répète l'histoire de 10 chansons, mais l'histoire se répète et tu connais la chanson, j'ai l'impression. Tu m'écoutes avec attention, mais l'intention cédera à l'appel de la tentation. Pour la maille, les mômes sont devenus trop vifs. Maintenant, veulent imiter les grands pour mûrir trop vite. Toujours fourré dans les plans qui rapportent, jusqu'au jour où les condés viennent te péter devant ta porte. Pour la maille, les mômes sont devenus trop vifs. Maintenant, veulent imiter les grands pour mûrir trop vite. Toujours fourré dans les plans qui rapportent, jusqu'au jour où les condés viennent te péter devant ta porte.